Hey. Cette fois-ci je laisse couler la plume, je cherche pas de sujet propice. Sache que dans ce monde, t'atteins pas ton but si t'es trop pisse. C'est fou, je pile track en cabine, je vise la lune, man, là j'ai trop de tips. Chaque mot c'est une petite claque derrière la nuque, à là j'ai trop kiff. Je vois l'ennemi, ils ont les mots populaires, les subalternes. Quoi mes rimes, c'est de la chimie moléculaire, mec, j'suis Walter White. J'ai mis le récit, c'est les grands crus du millésime, j'ai l'arôme. T'auras beau faire pression, c'est moi qui décide comme Gennaro. Je sais que sans vous on serait rien, donc restez vrai, j'aime trop nos fans. Mais encore des stories à régler, il me faudrait un réto nos fans. Le RAP comme thérapeute, comme un videur pad. Oh mes rappeurs, j'mène une double vie comme Peter Parker. Dur de trouver un juge pisse habitué à la ruse. Ouais, j'suis dans ma noirceur, je cherche la justice à la Bruce. Ouais, tu sais la rue est une belle garce, la fréquente pas si le cœur pèse. Dis pas sur une mésentente, poteau t'es pas stringer belle. J'peux plus blairer les politiques, mal à télé, j'esquive leur gueule. Dur de croire en un président, qu'un charisme le Steve Urkel. Pour les tox, pas de plan carrière, l'idiot qui prend la Kamoura. Tu rêves de revenir en arrière, t'es pas Hiro Nakamura. Suffit d'une parole pour qu'il te roue de coups qu'il baïonne. Heureusement que nos darons ont plus de courage que Cookie Lion. Y'a des limites à ne pas franchir, j'trouve pas ma franchise dans l'alcool. 30 piges, toujours pas responsable à croire que j'suis Francis dans Malcolm. Mes potes me disent, toi t'es vrai, c'est des meurtres, qu'est-ce que dis. Pour arrêter l'extraterrestre, faudrait Mulder et Scully. J'sais pas si tu t'en souviens, j'rappie au plancher comme Flash Gordon. Et si j'étais riche, le vieux DSK serait mon major. Comme j'rêve pas d'un SLK coupé, même si j'gratte des pas genre. Non, même si j'essaie de ne pas écouter ce que m'a rageur. Quand j'rappe, j'suis déter, ça sent le drama. J'comprends que le mental heurte, le truc est clair. Tout est question de karma, demande à heurte. J'ai pas le compas de Braco, mais j'prépare un gros truc. Du style, toi attends ce qui se passe à l'intérieur comme si j'étais Augustus Hill. Je suis à la hauteur, je mets le feu, même les moqueurs se méfient. Je me confie qu'en cabine mon ingé son c'est le docteur Melfi. Oh toi ça vide de la tête, je suis pas un de ces jeunes snob enfoirés. Tu me croyais mort, je suis de retour comme Jon Snow. Du mal à garder mon calme, c'est pour ça que ma voix est serrée. L'histoire se répète, on appelle ça la loi des séries. Foyer, Nizem, Opéro Machine. Thank you.